Merci d'écouter la plus normande des radios. Bonne journée à vous. Il est exactement 18h à Val d'Oraé, comme à Incarville. Bienvenue à bord tout le monde. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. L'Aveyron, le Gard, l'Hérault, la Lozère et le Var sont placés en vigilance orange par Météo France en raison des risques de pluie, d'inondation et de crues. Après l'épisode neigeux de la nuit, 110 000 foyers sont par ailleurs encore privés d'électricité, a annoncé Enedis, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes. La principale zone touchée par les coupures d'électricité est le sillon rhodanien où 62 500 clients n'ont pas de courant devant l'Auvergne, selon Enedis. Plusieurs milliers de foyers sont concernés également dans le Limousin, le centre, les Alpes, le nord de la région PACA et la Bourgogne. Début octobre, Jonathan Daval avait vu sa première demande de remise en liberté rejetée. Aujourd'hui, son appel devant le tribunal de Besançon a lui aussi été rejeté. Cette audience à huis clos était le théâtre de la première confrontation entre Jonathan Daval en visioconférence depuis la maison d'arrêt de Dijon, où il est incarcéré, et la famille d'Alexia, qui l'accuse de complicité au meurtre. Jonathan Daval a modifié plusieurs fois sa version des faits tout au long de cette première année d'enquête, avouant le meurtre de son épouse avant de revenir sur ses déclarations et accuser Grégory Guay, son beau-frère. Une femme de 34 ans d'origine afghane a été retrouvée en arrêt cardiaque à Besançon vers midi. Elle aurait été poignardée à au moins 2 reprises au niveau du cou. D'après la police de Besançon, il s'agit d'un homicide. Son agresseur est actuellement en fuite. Il semblerait que la victime vivait dans un foyer où était hébergée à proximité du lieu de son meurtre et qu'elle ait déjà été victime de violences conjugales. Près d'un tiers des Français ont restreint leur consommation de chauffage cette année pour réduire leurs dépenses énergétiques, selon des chiffres publiés par le médiateur national de l'énergie 2 jours avant le début de la trêve hivernale. Par ailleurs, près d'un Français sur 10 affirme avoir eu des difficultés à régler certaines factures d'énergie, un chiffre stable sur un an, et 15% disent avoir souffert du froid dans leur logement l'hiver dernier. Selon les premiers résultats de ce baromètre, depuis le début de l'année, les prix du gaz naturel et du fioul, deux énergies très utilisées pour le chauffage, ont augmenté du fait de la remontée des cours du pétrole. Enfin, pour la première fois depuis 2015, Roger Federer va participer au Masters 1000 parisien. Le Suisse, qui avait laissé planer le doute sur sa participation dimanche après sa nouvelle victoire chez lui à Bâle, a confirmé en conférence de presse qu'il disputerait bien le tournoi de Bercy. « Je préfère jouer que m'entraîner », a expliqué le numéro 3 mondial. Sur la plus normande des radios, Max. Vous êtes au top de l'actu, les amis. Nouvelle heure, nouveau son et nouveau tube. Voici le son de Kungs et Stargate. L'après-midi sur Espace, c'est Max. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. I'll be with you when it's dark out, on the water, and you can't breathe. I'll be with you when it's past 3 in the morning, and you can't sleep. I'll be with you when your heart breaks, when you lose faith. Yeah, I promise I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready.

cette année avec Volvo. C'est Noël suédois avant l'heure. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 295€ par mois sans apport. Location longue durée 48 mois pour une V40 signature édition 9, 40 000 km, entretien et garantie offert. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018 si accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Volvo, JFC Normandie, rond-point de KR à Normanville. Restaurant La Gare à Ponto de Mer, déjeuner d'affaires le midi dans une ambiance feutrée, élégante et décontractée. Un menu à seulement 22€ avec des mets de qualité et raffinés. Formule rapide. Restaurant La Gare à Ponto de Mer, dîner le soir entre amis, en couple, dans une ambiance tamisée, chic et chaleureuse. Une cuisine riche en saveurs, inventive et gourmande. Laissez-vous surprendre. Restaurant La Gare à Ponto de Mer sur le site de La Gare. 02 78 08 60 00. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace. Dans un instant. C'est l'anniversaire de votre enfant, parents, amis, et vous voulez leur faire plaisir? Alors faites-leur une belle surprise en leur offrant un gâteau personnalisé avec leur photo dessus. Que vous fassiez votre gâteau vous-même ou que vous le fassiez chez votre pâtissier, avec photo-sur-gâteau.com, l'effet est garanti. Que vous soyez particulier, boulanger, pâtissier ou traiteur, passez votre commande sur notre site photo-sur-gâteau.com et nous vous l'expédions à votre domicile dès la minimum 48 heures. Photo-sur-gâteau.com, c'est aussi des décors pour personnaliser vos gâteaux. Photo-sur-gâteau.com, c'est près de chez vous, à 15 km de Ponto de Mer, à Appeville-Anneau. Cliquez et commandez www.photo-sur-gâteau.com. Que fracasan mayormente es por desengaño, falsedad que contamina y hace daño. Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité. Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez. Puedes pensar, soy el rey de las mentiras. Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla nada. Dice que ha visto muchas novelas. Otro disco con aventura y te lo dedico entero. Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. En ti yo no me vuelvo a enamorar. No sé ni qué pensar. Ya sé por qué todo me sale mal. Mentí diciéndote que era leal. Siendo un amor real, le pido a Dios me pueda perdonar. No quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación. Tú sabes, bebé, perdona, bebé. Hey, bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Duérmeme en la cama, de ese que dejas cuando entras y sales. ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de banco. Carton avec ce son-là, DJ Antoine, c'était Ma Chérie à l'instant sur Espace, 18h08. Bonnes vacances de la Toussaint tout le monde, bon courage à tous ceux qui taffent, et si vous allez du côté de la Foire Saint-Romain, bassin Saint-Gervais, vous allez voir, ça va être super sympa, énormément de manèges, donc allez faire un tour là-bas, ça va être plutôt cool dans une des plus grandes fêtes foraines de France. On se retrouve de l'autre côté avec Adèle, When We Were You, mais encore Phil Collins avec SD Lover. À tout de suite les amis, bougez plus. Bonjour, du 24 jusqu'au 31, la boutique à toute vapeur vous propose une vente exceptionnelle de luminaires et de bibelots. Une nouveauté, le coin des chineurs, où vous trouverez des objets de décoration en cuivre, en étain, ainsi que des beaux livres d'art et d'histoire. À toute vapeur, elle est ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 64 rue du Maréchal Leclerc, aux Anis. Au plaisir de vous accueillir. L'association culturelle et sportive de Venab, commune des Trois Lacs, qui se situe entre Louviers et les Andelys, organise le dimanche 4 novembre sa première puce couturière. Pour tout renseignement, 06 62 16 69 42. Venez nombreux et merci à Radio Espace. Bonne journée, au revoir. Bonjour, Nathalie Caillot, maire de Château-Surette. Nous organisons un spectacle Son et Lumière le samedi 10 novembre 2018 à 19h sur la muraille du château, retraçant la Grande Guerre de 14-18. Cet événement sera clôturé par un feu d'artifice. Merci, 06 68 60 37 04. Au revoir. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone tongue. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me. Sur allez, les 18h25 minutes juste avant de faire un point sur l'actualité locale et régionale avec le flash présenté bien sûr par la rédac d'Espace, un énorme standard. Phil Collins et The Lover sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Théo, un adolescent de 17 ans, a été retrouvé mort, noyé dans un cours d'eau à la rivière Saint-Sauveur, près d'Honfleur. Le jeune homme avait disparu samedi dernier du domicile familial dans cette même commune. C'est sa belle-mère qui a découvert le corps dans un bras de l'Orange, la rivière qui traverse la ville. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de la mort. Une autopsie ou un examen du corps devrait être pratiqué dans les prochains jours. Christophe Castaner a indiqué avoir appelé le jeune homme victime de la violente agression homophobe de la semaine dernière à Rouen. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'une rencontre entre membres du gouvernement et associations de lutte contre l'homophobie était prévue ce soir. Et puis un collectif d'associations de lutte pour les droits des lesbiennes, gays, bi et trans appelle à former une chaîne de solidarité samedi après-midi prochain sur le pont Corneille à Rouen contre la haine et en soutien aux trentenaires roués de coups. On en sait un peu plus désormais sur le futur centre gynécologique et périnatal de Bernay, Solène Duloup. Les travaux d'aménagement de ce nouvel espace débuteront en décembre pour une ouverture en février 2019, date de fermeture de la maternité arrêtée par l'Agence régionale de santé. Ce centre fonctionnera avec des professionnels de la maternité et une offre de consultation maintenue, comme l'explique Nathalie Horn, directrice déléguée de l'hôpital. Prendre en charge les mamans pendant toute la durée de la grossesse jusqu'au 9e mois. Elles font leur dernière consultation dans l'établissement où elles auront fait le choix d'accoucher. Ces équipes travailleront en ligne étroit avec les maternités du territoire et elles pourront être prises en charge pour le suivi après leur grossesse. Près de la moitié des femmes de la région de Bernay accouchent déjà dans d'autres établissements, à Lisieux, à Évreux, à Rouen, par choix ou parce que leur état de santé nécessitait une prise en charge plus spécialisée. Le centre proposera également des ateliers à destination des futures mamans et des mamans, ainsi que des soins à destination de toutes les femmes. Toute une offre d'ateliers, de groupes de parole pour préparer à la naissance de façon agréable, ludique, des cours de gymnastique douce. Les consultations de gynécologie classique, les échographies ainsi que les IVG seront des activités également maintenues au centre périnatal de Bernay. La région des Hauts-de-France vient d'étendre son dispositif d'aide à la rénovation énergétique jusqu'en juin 2019. Prévu initialement pour s'arrêter fin 2018, le dispositif n'a en effet accompagné que 500 projets cette année contre 3 à 4 000 dossiers attendus. Une aide allant jusqu'à 2 000 euros est possible. Un radar automatique bâché la nuit dernière à Oissel, à la sortie de l'autoroute A13 en direction du rond-point des Vaches. Le radar a été rendu aveugle, des gilets jaunes ont été scotchés dessus. En hockey sur glace, pour le compte de la 14e journée de Ligue Magnus, les Dragons d'Ormont accueillent ce soir les Aigles de Nice. Les Normands joueront en rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein. La vente aux enchères de ces maillots uniques a d'ailleurs apporté 5 900 euros, une somme remise au centre Henri Becquerel d'Ormont. Et puis le Rouen Métropole Basket affronte ce soir Lille en quart de finale retour de la Leaders Cup. Évreux se déplace à Nancy. Le musée des impressionnismes de Giverny fermera ses portes dimanche prochain et le record de fréquentation du musée atteint l'an dernier est d'ores et déjà dépassé. À la fin de la semaine, le musée aura accueilli 190 000 visiteurs, notamment grâce aux toiles du peintre néo-impressionniste Henri Edmond Cros. Et puis à présent, un point sur la météo. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après les éclaircies de la matinée, ça devrait se gâter dans l'après-midi avec le retour des pluies. 8 degrés au meilleur de la journée sur le Beauvaisis ou encore le Pays de Bray. Comptez 9 degrés sur le Vexin normand, mais également Bernay et Évreux. 10 degrés à Louviers et 11 degrés sur Rouen et Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. Il est 18h34, on est reparti. Nouvelle demi-heure, nouveau son et nouveau tube. Tal, ADN, ça débarque dans quelques instants. Et voici le tout dernier son de Willy William sur Espace. Et c'est la la la. Bonne journée tout le monde, bonnes vacances. Et profitez bien de votre soirée les amis. À l'écoute d'Espace. La la la la la. can jog with your Frenchie. You better call the officer. Me not afraid to party. How you know me have a full of stamina. Me comfy, bust it up, bust it up. Just tell them me comfy, bust it up, bust it up. When you style me, I back it up, back it up. Hey, go! All I wanna sing is la la la la. But me not deal with blah blah blah blah. Me sing every style, etc. I don't say you can turn on my carena. If you leg up on this phenomena. Me not easy, how you know me stamina. Mama see, mama saw, mama cosa. I say la la la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la. La la la la la la la la. Écoutez maintenant Espace en Normandie. ADN, le son de Tal pour vous accompagner comme ça, 18h40 en ce mardi 30 octobre. Merci d'être avec nous les amis, ne bougez pas, c'est la pub, je suis un petit peu à la bourre. Jane Allwright, ça débarque dans quelques instants, il y aura aussi Que Black avec Rattraper le temps et on fera un point sur le programme télé de ce mardi soir. A tout de suite les amis. Ce que je m'apprête à vous dire est tellement incroyable que vous ne devriez d'ailleurs pas m'écouter. Au meuble Gréaume, pour le déstockage annuel, c'est jusqu'à moins 50% sur les meubles. Moins 50% des meubles de qualité, design, du choix et au meilleur prix. C'est exceptionnel. Il faut faire de la place. Dépêchez-vous. Premiers arrivés, premiers servis. Le déstockage, c'est maintenant au meuble Gréaume, RN31 à Gournay-en-Bray. Le géant du meuble, jour, nuit, déco, toutes les sources d'inspiration qu'il me faut. Vous voulez connaître la valeur de votre bien, appartement, maison ou terrain? L'Immobilière Normande vous offre une évaluation de votre bien. Alors n'hésitez plus et contactez l'une de nos 8 agences. Il y a forcément une agence L'Immobilière Normande près de chez vous. Numéro de téléphone 02 32 40 19 90. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace dans un instant. Événement à Saint-Aubin-des-Croisville. Rendez-vous ce samedi 3 novembre à partir de 19h30 pour une soirée Halloween mémorable et flippante. Venez et écoutez le groupe Kill et profitez du buffet effrayant avec une paella de l'angoisse. Surprise autour de la peur tout au long de la soirée. Venez déguisé ou pas et réservez surtout au 06 14 53 34 48. Une soirée organisée par Anime Fête à Saint-Aubin-des-Croisville avec Espace. For us, stir it up tonight. We won't. Bonsoir tout le monde, bonnes vacances. C'est mardi le 30 octobre et c'est reparti pour une nouvelle sélection espace avec ce soir à Rouen, dès 18h, une initiation olfactive. Ça se passe à l'atelier de nez à la maison de parfum et dès 20h à la patinoire Boissière, match de hockey Rouen-Nice. Rendez-vous également sur l'esplanade Saint-Gervais jusqu'au 18 novembre pour la foire Saint-Romain. N'hésitez pas à aller vous éclater dans tous les manèges. Demain, du côté de Louviers, dans la cave du Moulin, rendez-vous de 14h à 17h pour un après-midi spécial Halloween dédié aux enfants. Le tout organisé par l'association Louvanim. Un grand spectacle de magie vous sera proposé, ainsi que des jeux et rallyes Halloween. Plus d'infos et réservations 07 78 64 11 39. Demain également, du côté de Passy-sur-Eure, les trains de la Citrouille organisés par le CFVE. Réservation cette fois-ci au 02 32 36 04 63. Ce jeudi 1er novembre, au Zénith de Rouen, ce sera Indochine en concert. C'est complet, donc pour ceux qui ont leur place, profitez-en. Et puis à partir de jeudi et jusqu'à dimanche à Honfleur, le salon de la création, mode, déco et métier d'art. Passez une très belle soirée sur Espace. Je suis le dernier de ma famille. Évidemment que je dois me débrouiller. Je suis seul dans un appartement vide. J'ai pas de quoi me faire débrouiller. Je me tiens la tête devant mon poster. Suis-je un imposteur? Dois changer de posture, j'hésite. Dois changer de couleur ou me laisser couler. Reprendre à se couler, j'hésite. Je suis tombé bien bas, dès qu'elle descend. Dois-je me donner la mort, n'a pas en descente. Tout ce que je fais n'a aucun sens. Qu'est-ce que je suis censé faire? Car c'est sans issue. C'est sans issue. Je suis complètement pensionné, je tiens sa pointe honnête. Oui, je suis sonné. J'ai mis la charrue avant les bœufs, bien sûr j'ai cassé, j'essaie de rattraper le temps. J'ai foncé dans le mur, me croyant invincible, j'ai oublié qu'il était en béton. Je suis complexé, t'as vu, à la longue ça devient embêtant. Je me sens oppressé sous pression, je me sens obligé d'oser le ton. Rien à mettre dans la cocotte minou, car je dépense tout dans le loto. Je me ronge les ongles à chaque minute. J'ai pas de quoi faire un réseau. Puis c'est vrai, je suis seul dans ma course. Le temps passe, me bouge. Puis c'est vrai, je suis seul dans ma course. Je l'avoue. Je suis tombé bien bas, dès qu'elle descend. Dois-je me donner la mort, n'a pas en descente. Tout ce que je fais n'a aucun sens. Qu'est-ce que je suis censé faire, car c'est sans issue. C'est sans issue. Je suis complètement sonné. Quelqu'un s'en pointe honnête. Oui, je suis sonné. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Bien sûr, j'ai gaffé. J'essaie de rattraper le temps. J'ai foncé dans le mur, me croyant invincible. J'ai oublié qu'il était en béton. Je suis complexé, t'as vu. À la longue, ça devient embêtant. Je me sens oppressé sous pression. Je me sens obligé d'oser le ton. J'essaie de rattraper le temps. J'ai foncé dans le mur, me croyant invincible. J'ai oublié qu'il était en béton. Je suis complexé, t'as vu. À la longue, ça devient embêtant. Je me sens oppressé sous pression. Je me sens obligé d'oser le ton. Salut. salut à tous, nous sommes le mardi 30 octobre. Ce soir sur TF1, l'excellente série Good Doctors avec que des inédits. Et attention, c'est la fin de la saison et vous risquez d'avoir de grosses surprises. 22h45, New York Unité Spéciale, là aussi que des inédits. Mais c'est la fête du slip en ce moment sur la chaîne. France 2, Stéphane Bern est en prime, Secret d'Histoire. Le défenseur du patrimoine, et vous l'avez vu dernièrement, le Stéphane, un vrai bad boy. On a essayé de lui piquer son oseille du loto du patrimoine, il a pris sa pièce, direction l'Elysée, le ministère des Finances, et là, c'était cash. Vas-y là, tu vas rendre mon oseille, hein, sur la tête des canards, je vais te défoncer si tu lâches pas mon pognon. Bref, Stéphane nous propose ce soir de retracer la vie du dernier roi de France, Louis-Philippe Ier. France 3, c'est rare, mais ça arrive. La chaîne des régions sera leader ce soir avec le capitaine Marlowe, l'une des meilleures séries françaises du moment. Canal, premier contact, l'histoire d'une prof qui essaie de trouver une solution pour parler avec des extraterrestres avec l'aide d'un physicien. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser que la Terre est envahie. Arte, un docu-fiction sur Verdun, les tranchées, la bataille de 1916. M6, la France a un incroyable talent. Après les deux dernières saisons qui n'étaient franchement pas terribles, j'ai l'impression qu'ils sont montés en level. Hein. Ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux et ça a l'air de balancer le pâté. Le meilleur de la TNT, c'est vite les sous-doués en vacances. Hein, j'en peux plus. Non mais après, ils se demandent pourquoi ils ne font pas d'audience le soir. Juste parce que vous proposez des bouses. TMC, 90 minutes l'enquête avec un sujet que l'on n'a jamais vu. Allez quoi, 100 000 fois, 1 million de fois. PV, fourrière, stationnement quand l'automobile devient un cauchemar. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. Goes on wildly. Espace. Redécouvrez les tubes de la décennie 90. Espace 90s sur Espace. Il est 18h55 minutes, les amis, quasiment 56. C'est terminé pour moi et pour aujourd'hui. J'étais ravi de passer cette soirée en votre compagnie. On se retrouve demain. Rendez-vous à partir de 16h, les amis. Voici Zebda avec Tomber la chemise. Bonne soirée, tout le monde. Et bonnes vacances à tous les concernés. Ciao, ciao. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et des jolies filles, des têtes d'acné, un homme ou la famille. Sola. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, dès qu'ils voulaient pas payer l'entrée 30 balles, on t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le mardi 30 octobre, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. 11 cas supplémentaires de bébés nés sans bras ont été identifiés dans l'Ain sur une période s'étalant de 2000 à 2014, a annoncé Santé publique France. Ces cas s'ajoutent aux 7 cas signalés par le registre des malformations en Rhône-Alpes, écrit l'Agence nationale de santé publique dans un communiqué, ce qui porte le total à 18 cas. Des investigations complémentaires sont en cours, ajoute l'agence, qui rappelle que la réalisation d'enquêtes rétrospectives plusieurs années après la naissance sera complexe. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de budget 2019 de

the word. Oh, I need is a. You turn mountains into verbs. To verbs. Where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into. Sur Espace, toujours dans les deux régions Normandie, Picardie, aux Anglis, à Lyons-la-Forêt et à Gournay-en-Bray. Soyez encore une fois prudents sur les routes et je le rappelle car certains l'oublient parfois, quand une voiture arrive en face de nous, on ne met pas les pleins phares, on reste en feu de croisement. C'est important pour éviter d'éblouir les autres et éviter tout accident. Mais je compte sur vous, vous allez le faire. Allez, 19h51, vous nous laissez vos messages au 0 950 35 50 50 et en voici trois provenant de Château-sur-Epte, de Venable et des Anglis. Écoutez.